soleil, sa fenêtre avant que je m'en aille. Moi c'est en elle que je veux être. Oui c'est en elle que je veux être. Si le vent chaud n'est pour personne, personne. Or, demoiselle, dedans elle, attends elle, car c'est en elle que je veux être. Oui, c'est en elle que je veux être. Et sais-tu, l'humidité là, elle est à deux doigts de moi. Et si je marre, ces chants douces sont goutte à goutte. Je goûte, moi c'est en elle que je veux être. Oui, c'est en elle que je veux être. Y'en a que oui, d'autres que non. Y'en a qui sont, d'autres qui font. Et si jamais elle entrebâille sa fenêtre avant que je m'en aille.